Trolim him. Ça va, on essaye de faire aller. Vu le temps. Thank you. demandes toujours plus, mais tu ne donnes rien. Pour dorer ton blason, t'es le roi du business. Mais me ta carte à puce, en intérêt certain. C'est vrai que tu sais faire pour taper dans la caisse. On peut pas franchement dire tu sois républicain. La façon dont tu gères ce pays est infâme. Et qu'avec les sondages, bien garder la main, on aurait pu nourrir 10 000 familles qui rament. Il n'y a jamais eu pire que toi. J'ai beau chercher dans ma mémoire, mais je ne me rappelle pas qu'il n'y ait jamais eu des jours si noirs. Des guéguerres personnelles, ton égo prétentieux, font que tu n'as même pas le moindre des scrupules. Ce qui se passe en bas, tu es bien trop ambitieux pour t'en apercevoir. Tu planes dans ta bulle. Il n'y a jamais eu pire que toi. J'ai beau chercher dans ma mémoire, mais je ne me rappelle pas qu'il n'y ait jamais eu des jours si noirs. Tout planifier, mais sans connaître rien de ce qui faisait vivre les gens de ce pays. Et comme un dictateur qui se profile au loin, il accumule les pouvoirs et tout le monde obéit. J'ai bien peur que demain deviennent des jours sombres, pire que ceux d'hier, car tu n'as pas compris qu'un peuple qui a faim peut surgir des décombres et te mettre à genoux comme un certain Louis. Il n'y a jamais eu pire que toi. J'ai beau chercher dans ma mémoire, mais je ne me rappelle pas qu'il n'y ait jamais eu des jours si noirs. Oh non, j'ai plein de chansons comme ça. Je les chante pas partout. Sinon, je me fais embarquer par les flics, c'est sûr. Ben là, la chanson n'est pas faite, il y a juste le texte. Je suis parti sur les accords que. Ah oui. Ah d'accord. Non, j'ai pas eu le temps. J'avoue que j'avais du boulot en gravure. Je me suis même pas occupé de la musique. À part donner des cours de chant à ma femme qui veut apprendre à chanter. C'est tout ce que j'ai fait. Thank you.